AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Démocratie. C'est une espèce de désert. Hein ? Oui. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment... Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. C'est dur, hein, c'est pas... Au pays poivré, détrempé, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Parce que ici, c'est que de la forge. Hein. Que encore, de la forge. Encore un peu, ouais. Ouais. Conscrit du bon vouloir. Il y a du monde un peu là ? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne ? Non. Ah ouais, c'est calme. C'est triste. Nous aurons la philosophie féroce. Ignorant pour la science, roué pour le confort. La crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant. Route. Paul Boens, à la chasse au trésor de Rimbaud. C'était un monsieur qui est... un grand monsieur quand même. Puis voilà. C'est pas ancien. Je crois, bah oui, c'est sûr même. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Bon, j'enclenche. Cimetière de Charleville-Mézières. Partir à la recherche du plus ignoré des chercheurs de trésors d'Arthur Rimbaud, le nommé Paul Boens, impose de faire une halte sur la tombe du poète. Monsieur Colin, vous bonjour. Êtes, vous êtes Monsieur Colin. Ah, vous êtes Monsieur Colin. Bon, ben, comme le poisson. C'est ici que converge, au bout d'une avenue sans âme, l'incessant ballet des rimbaldophiles et des rimbaldolâtres, mais aussi des rimbaldomaniaques les plus obscurs. Où, là ? Ah ben, je sais pas, j'allais voir s'il y avait du courrier ou ton bébé, oui. Ah, on va le faire en même temps. C'est quoi alors cette boîte ? Ah ben, c'est la boîte qu'on a mis pour Arthur Rimbaud, pour ses admirateurs du monde entier qui envoyaient des petits courriers, des petits poèmes, ouais, des mots de tendresse, tout. Ouais. Bon, vous y allez souvent ? Moi, je les regarde tous les jours. Il y en a plus qu'avant, vous pensez, d'admirateurs qui viennent ici ? Oui, et ils se confient à Arthur Rimbaud comme un psy. Hein. D'ailleurs, des fois, j'ai découvert des lettres. Oula, c'est un peu peur, c'est un peu effrayant. Ils viennent s'asseoir là, au banc en face, et ils restent des heures. Hein. Il n'y a pas moyen qu'ils partent. Hein. Je vais vous montrer son petit trésor. Je vais chercher la clé. Vous voyez, il y en a encore une que j'ai même pas ouverte. Oui, alors celle-là est marquée Rimbaud. Je m'appelle Louise et je suis venu. Non, je suis fan. Ah oui, je suis fan de toi, mais je n'aurais jamais eu de réponse à mes lettres. Vous répondez pas ? Ah ben non, il n'y a personne qui répond. C'est embêtant. Vous ouvrez, mais vous répondez non, pas. Non, répond. Ils croient qu'Arthur va leur répondre, mais non, ils attendent désespérément, les pauvres. Vous connaissez un peu Arthur Rimbaud quand même ? Un peu, ouais, ouais. Oui. Et alors, vous avez entendu parler du gars d'ici qui cherchait un trésor, non ? Ça vous dirait ? Ouais, mais, oui, j'ai entendu parler, mais plus sur Roche. Ouais. Ils n'ont pas trouvé. De quoi ? Le trésor. Et peut-être dans la maison à Patty Smith. Tu as acheté une maison là-bas, Patty Smith, hein ? La maison de la mère à Arthur Rimbaud. Est-ce que vous nous liriez cette lettre d'Arthur Rimbaud ? Ben oui, je veux bien. Mes chers amis. La date. Ah. Le Caire, 23 août 1887. Mes chers amis, mon voyage en Abyssinie s'est terminé. Je vous ai déjà expliqué comme quoi, mon associé étant mort, j'ai eu de grandes difficultés à propos de sa succession. Je me trouve tourmenté ces jours-ci par un rhumatisme dans les reins qui me fait damner. Je suis excessivement fatigué. Je m'ennuie à mort. Je n'ai rien à faire à présent. J'ai peur de perdre le peu que j'ai. Figurez-vous que je porte continuellement dans ma ceinture 40 et des 1000 francs d'or. Ça pèse une vingtaine de kilos et ça me flanque la dysenterie. Pourtant, je ne puis aller en Europe. Attendez, faut comprendre. Vous savez pas, il est là le trésor. C'est pour ça que bon. D'accord, compris. Oui, mais d'accord, je comprends ça. Ça casse un peu le mythe quand même. Oui, c'est vrai, oui. Donc, il aurait, en revenant, il aurait caché son trésor. Son trésor, voilà. C'est ça le trésor, vous vouliez dire. Mais peut-être, bon, après, c'est peut-être revenu à ses parents, à sa mère, je suppose. très loin sous terre. Écrire un mot. Un fruit pendu dans le verger. Les fruits de son génie, de son travail, n'attend que la cueillette du voleur de feu. Devant les grilles du cimetière, Monsieur Collin me conseille de me rendre au bar tabac PMU du coin, le dernier sou. Si Rimbaud avait possédé un trésor, et si un Ardennais avait fait fortune sur son dos, le patron le saurait, affirme le gardien de la tombe du poète. Vous avez mangé en dessous alors, non ? Il me conseille enfin de m'attarder sur une autre spécialité locale. Un repas typiquement ardennais, ça. De quoi ? Mais la cacasse à cunu. C'est juste des pommes de terre, et puis un roux, quoi, avec des farines et tout ça. C'est ça ou la salade au lard, hein, les Ardennes. Hein. Et nous, on la reculotte de sa saucisse, ici. Vous savez pourquoi on vient ? En fait, on vient pour... Il y avait un monsieur qui s'appelle Paul Boens, qui cherchait le trésor d'Arthur Rimbaud. Vous avez entendu parler de cette histoire ici ? Non. Moi, personnellement, non. Peut-être, oui, mais... Le dernier sou me laissant sur ma faim, je file vers Nouzonville, une bourgade sinistrée située au nord de Charleville-Mézières. C'est là que réside l'auteur de Térine Rimbaud, Franz Bartelt. Personne n'ignore dans le canton qu'il fut l'ami le plus dévoué du fougueux explorateur Paul Boens. Bon, vous avez été au cimetière de Charleville ? Vous avez vu la boîte aux lettres ? Toujours terrible, hein ? Il y a vu le gardien aussi. Vous avez vu le gardien ? J'y vais ? Bien. Le texte qui suit ne rend que très partiellement compte des travaux de Paul Boens. Il est une tentative de simplification et de mise en ordre provisoire d'une quantité volumineuse de documents imprimés, manuscrits, épistolaires ou sonores, qu'avec constance et profusion, le chercheur de Roche a adressé pendant une vingtaine d'années à tous ceux qui, dans les Ardennes ou ailleurs, pouvaient l'aider dans sa quête rimbaldienne. Il s'agit d'une première approche de cette aventure, où l'or donne une valeur quantifiable à la poésie. Ouais. Il y a des trucs quand même... Mais parce que lui, je l'ai connu il y avait très longtemps, dans les années 60. Il était de Charleville, hein. Il avait une auto-école. Et je l'ai connu à ce moment-là parce qu'il avait fondé une espèce de petit club de poètes où, qui se réunissait. Donc on y allait de temps en temps avec un copain. Et par la suite, quand il a pris sa retraite, il était s'installer à Nice. Et donc, il revenait fouiller pour le trésor à Roche. Et à ce moment-là, évidemment, il lui fallait un point de chute, quoi. Donc, il venait ici. Et pendant des années et des années, on a servi d'hôtel, quoi. Il dormait chez vous ? Ah oui, il me rendait fou. C'était un type qui ne parlait que de Rimbaud. Il se levait le matin, c'était Rimbaud. Moi, je me levais de plus en plus tôt. Je me levais à 1h du matin pour pouvoir travailler. Parce que d'habitude, je me lève à 4h, 4h30. Mais là, il savait que je me levais à 4h, 4h30. Donc, il était là. Ah, il disait, j'ai pensé à un truc, là. La piste rouge, là. On a raté quelque chose. Et c'était vraiment... C'était un truc dingue, quoi. Alors, je me levais toujours 1 heure plus tôt, jusqu'au jour où j'ai failli plus aller me coucher du tout. Parce que toute la journée, j'étais accaparé. Je lui servais aussi de taxi. Fallait l'emmener à Roche. Donc, on emmenait les pelles, les pioches, on emmenait tout. Et puis, lui, il creusait. Moi, je creusais pas. Moi, j'ai jamais voulu creuser. Je le regardais creuser. Ah, il suait comme un bœuf. Présentation de Paul Boens par lui-même. En 1951, je suis venu travailler à Charleville. C'est alors que j'ai rencontré Rimbaud. Ma pensée ne l'a plus quitté, ne serait-ce qu'un seul jour. En 1980, je me suis retrouvé à Roche, poussé par une force que je ne m'explique toujours pas. J'y suis demeuré 4 années. Schliemann, en prenant les écrits d'Homère pour vrai, comme je le fais avec Rimbaud, a mis une vie entière pour découvrir Troie. Carter a mis 20 ans pour trouver le tombeau de Toutankhamon. À moins qu'on estime mes recherches en valeur parce qu'elles traînent en longueur, on peut m'accorder un peu de confiance. C'est parce que les grands et les savants croient posséder la science infuse qu'ils n'ont pas compris Arthur Rimbaud. Un petit comme moi, qui peine sur chaque mot depuis 40 ans, qui compulse des dictionnaires à longueur de journée tant il est peu sûr de son savoir, qui vérifie tout, découvre des trésors. Quelle joie là-haut pour Arthur. Il me regarde et il dit, là où les docteurs en lettres n'ont rien compris à ma rude besogne, un autodidacte plein d'amour avec une âme d'enfant a tout compris de mon jeu. Car l'œuvre d'Arthur est un vaste jeu de pistes. Pourquoi tu as écrit ce texte ? Pour y comprendre quelque chose, parce que je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Alors je connaissais bien l'œuvre de Rimbaud, je comprenais bien toutes les citations que faisait de Rimbaud, mais j'avais du mal à comprendre sa traduction au langage Boëns, quoi, dans sa logique. Et donc ce que j'ai cherché à faire, c'est j'ai essayé de mettre ça au propre. J'ai toujours pas compris, on peut pas comprendre. Parce qu'il faudrait être dans sa tête, on reste quand même très circonspect. Mais si on prend ça comme je l'ai fait au premier degré, en disant tout est vrai, mais il faut mettre de l'ordre dans cette vérité-là, ça marche. La preuve, c'est que j'ai pu raconter toute l'histoire, mais c'était extrêmement complexe, quoi. Et tu l'as appelé comment, ce texte ? Lord Arthur. C'est dans ses poèmes qu'il confie bribe par bribe le lieu de sa cachette. Rimbaud pratiqua à merveille toutes les figures de l'expression. L'antiphrase, l'autonomase, la catachrèse, l'ellipse, l'euphémisme, l'hypallage, l'inversion, la métonymie, le syllepse, l'antinomie, l'antichrèse, l'apostrophe, la dissimulation, la périphrase, la prosopopée, la réticence, la synonymie, etc. De sorte qu'à la fin, son œuvre a pu sembler obscure et pour cause. Mais c'était l'effet recherché. Quand tu veux. Ouais. Voilà, si tu le remets. C'est dans le bon sens, là. Il va dans le bon sens. Tu recules, là. Oui. Moi, ça me dit que c'était un écrivain, que c'était un poète. Toute lune est atroce et tout soleil amer. Il est certain que Rimbaud est né en faisant l'addition de sa date de naissance 1854 fait 18. Paul Boëns, 1988. Ce qui fait qu'il ça le place sur le plan de la naissance au tarot de Marseille sous le chiffre 18 qui est celui de la lune. Et l'addition 1891, ça fait 19 et ça le place sous le signe du soleil au tarot de Marseille. Donc, il peut très bien dire « toute lune est atroce et tout soleil amer hein, », puisque sa naissance provient de sa mère, donc elle est atroce. Et la vision de sa mort est amère. Hein. C'est quand même une sacrée prémonition, si c'est ça. Quand même, c'est pas mal, parce que c'est le tarot de Marseille, c'est là où Rimbaud est mort, à Marseille, entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Hein, Rimbaud, c'était Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Tout le fantasme du chercheur de trésors est là, quoi. Mais c'est pas mal, là. C'est toi qui as fait la prise de son. Oui. Et c'était où ? Ici, là. Là, il était assis là et moi j'étais là, dans le fauteuil, là. Mais tu l'as jamais pris pour un fou ? Bon, qui est fou, qui n'est pas fou ? Enfin, moi, j'étais aussi fou que lui à ce moment-là. Ce que je raconte souvent, c'était l'histoire du laboureur et de ses enfants, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai compris à la fin, c'est que lui, il a cherché le trésor, il a fait des trous, il a labouré, et finalement, le trésor, il a trouvé, c'est son propre travail, quoi. Il a enrichi quelque chose, alors il a peut-être pas apporté grand-chose à la connaissance de Rimbaud, mais ça, on n'a pas besoin, il y a des tas de gens, des tas de savants qui font ça très bien. Et lui, il a apporté la touche vraiment poétique, quoi. Vraiment le mystère de la poésie, ce qu'il y a de plus secret dans la poésie est quelque chose qui est indicible, qu'on ne peut pas trouver. On peut faire tous les raisonnements qu'on veut, on arrive toujours sur le vide, quoi. Il y a toujours le mystère. Et c'est ça, le trésor, c'est la partie indicible de la poésie. Le laboureur, c'est La Fontaine. On apprenait ça à l'école, hein. Comme Rimbaud. Mais ici, on apprenait moins La Fontaine que Rimbaud. C'était Rimbaud obligatoire par patriotisme. Ce qu'on appelait le patriotisme schisteux. Il est frêle comme un papillon de mai. Et le papillon de mai dont Rimbaud parle très certainement, c'est ce qu'on appelle le bel argus bleu. Parce que le bel argus bleu, c'est son papillon de référence. Argus, A-R, argus. Et comme il avait les yeux bleus, le bel argus bleu, parce que Rimbaud est quand même un peu narcissiste, hein, faut pas le... Il sait qu'il est beau, il sait qu'il est bien quand même, hein, Rimbaud. Et les bonnes femmes vont même fabriquer des maelstroms. Parce que si on regarde, quand une femme, elle termine son rinçage de lavage, elle termine comme ça. Elle prend la pièce à laver et elle la tourne comme ça dans l'eau. Une dernière fois, et elle fait un maelstrom. Mais lui, il dit des maelstroms épais parce que là, c'est toujours pas bien lavé. Alors, c'est encore un peu dégueulasse. Et il dit qu'elles font des maelstroms épais. Ou les serpents géants dévoraient des punaises, soit des arbres tordus avec des noirs parfums. Ce sont les draps qui ont été tordus par les lavandières et ils pendent comme ça, en les pendant les arbres pour pas les ressalir. Et naturellement, ça formait comme des géants qui étaient encore dévorés des punaises. Et comme ils n'avaient pas été bien lavés pour un beau, ils avaient encore de noirs parfums à l'endroit où il y avait les pieds. Hein, parce que les laboureurs, quand ils rentraient, ils n'avaient pas toujours les pieds tellement propres. Puis ils ne se faisaient pas des soins corporels tellement importants. Hein. On se lavait une fois le dimanche à l'occasion. Quoi. Et d'ineffables vents mantelés par instants, c'est-à-dire des vents. Et ça, ça a trait, à mon avis, avec la direction de son truc. Parce que si je ne peux pas le dire, le vent que c'est, il y a un vent qui a une direction absolument sur l'hémisphère boréal. Ce sont les vents alizés qui soufflent du nord vers le sud. Donc, d'ineffables vents m'ont ailé par instant, et m'ont ailé moi. Donc, c'est que j'ai pris une direction donnée qui est celle de la direction nord-sud. Ça, je crois que ça a à voir avec son trésor. Parfois martyr, lassé des pôles et des zones, martyr de quoi ? Machine un truc comme ça pendant des heures à la maison. Dès le matin à 5 heures, hein, jusqu'au soir 9 heures. Ah oui, c'est long. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Il faut le... Après, on a la tête complètement farcie, et puis on ne sait plus exactement, on n'a plus le sens de la réalité. C'est-à-dire, on finit... Moi, c'est pour ça que je disais qu'il était convaincant, c'est parce qu'après, moi, j'étais tellement imprégné de ça que je ne voyais plus le monde qu'à travers ce qu'il en racontait, quoi. Donc, moi, je voyais des pontons partout, je voyais des papillons de mai, des beaux argus bleus. Et ça, c'est pas mal, ça, les argus bleus, quoi. Aère. Argus, Aère, Arthur Rimbaud. Bleu, il avait les yeux bleus. Il était narcissique. Je trouve ça formidable, quoi. C'est une façon de reconstruire le monde à son propre usage, quoi. Mais un peu plus loin, je crois qu'il raconte... Tu veux qu'on avance ? Non, non, oui. Clé. Les illuminations et la saison d'enfer, hein, c'est là qu'il parle carrément. Là. Ici, il y a quelques données qui confirment. Il y a des allusions très, très lointaines. Mais quand dans le... Mais quand il écrit le bateau-ivre, il savait déjà... Ah ben il sait déjà dès 7 ans, puisqu'il annonce qu'il jaurait de l'or, il sait déjà ce qu'il va faire, puisqu'à 7 ans, il a commencé à creuser le puits. Pourquoi il a creusé le puits ? Parce qu'il est très malheureux, et il a dit, je dirai ce qui s'est passé à la postérité, pourquoi j'ai souffert. Il va raconter sa vie, mais il peut pas la raconter de son vivant, parce qu'il a quand même sa mère, il va pas tout de même raconter. Il a quand même du respect pour sa mère, c'est quand même... Alors, il va cacher, mais il faut qu'il raconte son histoire. Il faut qu'il sorte son journal. À mon avis, tout son journal est enfermé. Puisqu'il est un admirateur, et ça se sent nettement, il est un admirateur d'Edgar Poe. Et Edgar Poe dit lui-même, si c'était à refaire, je écrirais mon journal et au dernier moment, je le jetterais à la mer. Donc, sans espoir même d'être lu, là, pratiquement. Hein. Eh bien, Rimbaud a fait pareil. Il a écrit son journal, mais il ne l'a pas confié à la mer, il l'a confié à la terre. Avec très peu de chance aussi. Point de départ, c'est l'enfance malheureuse de Rimbaud. Rimbaud, enfant battu, enfant d'un prêtre, etc. Et je pense que Boëns, il lui manquait quelque chose, certainement une amitié ou une affection particulière. Donc c'est pour ça qu'il avait fait... Rimbaud lui donnait un frère, quoi. Ou lui donnait une... C'était sa famille. Parce que c'est ça qui est... Tout vient là. Son grand souci, c'est ça, c'est « Je suis l'exécuteur testamentaire de Rimbaud ». C'est lui qui m'a désigné. Il explique ça tout le temps, Rimbaud. Il dit, c'est toi, Césarin Labinette. Césarin Labinette, c'est un personnage de Rimbaud. Hein. Le deuxième prénom de Boëns, c'est Jules. Donc, comme Jules César. Césarin, c'est un petit César. Et Césarin Labinette, personnage de Rimbaud, c'est Rimbaud qui le désigne en tant que Césarin, petit César, et qui va creuser avec une binette. C'est le messie de l'œuvre de Rimbaud. Le trésor de Rimbaud attendait que Boëns réagisse et vienne à Roche Il a habité à Roche pendant des années, quand même. Et il est revenu pendant 20 ans. Ça pourrait être inquiétant, quand même, parfois. Parce que c'est vrai que des fois, on s'identifie, enfin, quand on est enfant, même un peu plus tard, on s'identifie facilement à des personnages au cinéma, surtout, ou même dans les livres. Ça a dû m'arriver, alors je ne sais pas à quoi je me suis identifié, moi. Mais je pense que je m'identifiais, moi, au héros des péplums. Spartacus, Hercule, Massiste, tous les péplums de l'époque. Parce que physiquement, j'ai jamais toujours admiré beaucoup la force physique. Et moi, j'ai une stature de bûcheron, mais pas de culturiste, quoi. C'est-à-dire, je peux pas me mettre sur une estrade et me faire admirer. Par contre, j'ai un bon coup de hache. H8. Honte. Note H. L'alchimie du verbe, surtout, entraîne le chercheur dans le dédale des jeux de mots dont Rimbaud était friand, comme le calembour, la contrepétrie, la devinette, l'énigme, le logogriffe, le rébus, l'anagramme. Exemple d'anagramme. Honte. Un poème d'une saison en enfer. D'après Paul Poins, pour honte, il faut lire note H. Autrement dit, écrivant « honte », Arthur Rimbaud prie Paul Boins de bien vouloir noter « H ». Signe qu'on retrouve, comme on le verra plus tard, sur la carte du cadastre et qui correspond à la lettre « H » du nom Roche. Donc si on veut Roche, la flash est un reliquat de mer, c'est une petite mer qui est restée. Hein. C'est le poème de la mer « Infusée d'astres et lactescent ». Quand on a fait comme moi, qu'on a fait la démarche et qu'on a vu l'avoir vraiment bien nettoyé, on voit se refléter la nuit quand la nuit est très calme et qu'il n'y a pas de rides du tout sur la pièce d'eau, c'est vraiment un miroir, on voit se refléter le ciel. Alors on se voit refléter la voie lactée, donc d'une part, mais il y a aussi des savonnages qui sont restés. Donc c'est lactescent doublement, c'est lactescent par les savonnages qu'ont laissés les laveuses et lactescent par le fait que les astres se reflètent comme dans un miroir pendant la nuit. À condition qu'il fasse une nuit sans vent absolu. J'en ai fait l'expérience. Hein. Tout son trésor, c'était le langage. Et dans des pays comme ici, ça m'étonnait qu'à moitié, parce que dans les Ardennes, les gens parlent beaucoup. Contrairement, on dit c'est des taiseux, tout ça c'est de la foutaise. C'est vraiment des gens qui parlent beaucoup, c'est un pays pauvre, c'est un pays où il n'y a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs, et donc la seule richesse, c'est le langage. Le trésor est là, il est toujours là, il est intact. Les vers obscurs du poète ne cessent d'envoyer des signes à Paul Boins. Pour lui, Arthur n'a pu cesser d'écrire à l'âge de 20 ans. Le facétieux aurait caché la suite, à destination de qui saurait décrypter son jeu de pistes. Un trésor formé de 8 kilos d'or, décrit dans sa lettre envoyée du Caire peu avant sa mort, mais aussi de nombreux écrits perdus, dont la chasse spirituelle, un journal d'enfance, diverses photographies. Le meilleur d'Arthur restait à découvrir. Et tout ça venait donc d'où, cette légende de l'or? Ben, ça vient d'une correspondance de Rimbaud à sa famille, hein, qui dit qu'il a 8 kilos d'or à la ceinture et que ça lui donne la dysenterie. Donc ça a fait fantasmer beaucoup de gens, hein, pas seulement lui. Hein. Et puis après, de fil en aiguille, la chasse spirituelle, c'est aussi un manuscrit que Rimbaud qui a été perdu, mais peut-être pas perdu pour tout le monde, il a peut-être été oublié dans un coin. Inventaire du trésor. Dans 4 containers répartis par paire dans 2 cachettes figurant les 4 cavités d'un cœur, on trouvera 2 dépôts. Le premier est constitué de 4 obus de 37 mm d'origine allemande trouvés sur les champs de bataille de la guerre de 70, aux environs de Roche, et rendus étanches. Ces obus contiennent des manuscrits dont celui du bateau ivre, allant de 1861 à 1878, soit une période de 17 ans, symbole de mort parce que, en chiffres romains, 17 donne l'anagramme Vixi, j'ai vécu. Ensuite, la première partie d'un journal intime qu'Arthur Rimbaud aurait tenu du 20 octobre 1851 au 20 octobre 1878. Ensuite, des lettres dont la réponse de Banville, des lettres de Verlaine, de menus souvenirs. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches. Le second dépôt est constitué d'un tube d'or d'environ 8 kilos. De la seconde partie de sa biographie, la vraie vie est ailleurs. C'est le Nouveau Testament du poète. Des lettres, des photographies. Je ne sais pas trop ce qu'il cherche. Il cherche quelque chose. Et parce que c'est désolé aussi l'endroit là-bas, non aussi, parce qu'il n'y a rien, presque. C'est un endroit ouvert. C'est un endroit ouvert. C'est le mystère du vide, quoi. Alors comme il n'y a rien, il faut bien mettre quelque chose. La roche. La roche, oui. Il faut avoir habité le village de Roche, comme je l'ai fait longtemps, pour connaître le lieu et la formule. En apprenant d'abord l'histoire, la géographie, la géologie du village du Roche, pour y rechercher logiquement toutes les possibilités de cachette. Pour comprendre comment Rimbaud avait procédé, j'ai connu toutes les formes de souffrance promises en perçant plusieurs puits, en retournant des dizaines de mètres cubes de terre. À la main, presque à tâtons. C'est calme en ce moment. Les après-midi, ouais, très très très calme. Ouais. Quand je viens le matin, bon, le soir un peu plus, je me... Bon, les voyelles, c'est quelle page? Dis-moi ça tout de suite. Bon, les voyelles, il y a aussi, dans tout poème, il y a une allusion à un trésor. Il y a toujours sur le trésor. Bon. Rimbaud, à un moment donné, dit qu'il a fait des poèmes où il a utilisé les voyelles. Mais à ce moment-là, il met les voyelles dans l'ordre. Il fait A-E-I-O-U. Il sous-entend qu'un jour, il parlera de ce qu'il a caché, parce que ce poème-là est à 5 niveaux de lecture. Et je peux le démontrer. Le sonnet des voyelles et le dernier message du poète nous indiquent à quelle profondeur il convient de creuser. Un mètre. A. Un lot. Une dent seule. Un lot. E. Trois dents. Un lot. Quatre deux mètres. Dents. U. Un lot. O. Quatre un dents. Lire. Deux dents. Un lot. I. Deux dents. Un lot. Trois dents. Si le poète modifie cet ordre dans le fameux sonnet, c'est tout d'abord pour fournir une indication au chercheur initié qui, lisant « O l'oméga rayon violet de ses yeux », comprendra « O l'eau » ou « O l'eau » L-O-T, dont la cinquième voyelle est « l'eau » égale 5 « l'eau », soit 5 « l'eau ». Donc, à 5 mètres, « l'eau ». C'est que il a essayé de rendre plus clair l'œuvre de Rimbaud et il l'a rendu plus trouble, quoi. L'Europe, tu le même effet en, je sais pas moi, en prenant de la cocaïne, quoi. Il aurait eu des visions. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour suivre la pensée labyrinthique de Paul Boëns, il faut se rendre à Roche, à 50 km au sud de Charleville, où tout devient plus lumineux. C'est là que se trouve la ferme des Rimbaud et des Cuifs, du nom de la mère d'Arthur. Sur les ruines de la maison détruite par les Allemands en 1918, on a construit une bâtisse sans âme. Il ne reste donc rien du roche que connut le poète, à l'exception d'un mur dépourvu de toute fonction. Le fameux mur aux fenêtres feintes. La pièce centrale du jeu de piste suivi par Paul Boëns, dans ce haut lieu de mémoire dépourvu de traces. Idéal pour exciter l'imaginaire du chasseur de trésors. Quand il dit un mot, ça doit cacher autre chose que ce qu'il a dit. Quand on ne comprend pas, il ne faut pas dire c'est du délire. Si vous dites c'est du délire, à ce moment-là, le poète, qu'est-ce qu'il devient? Il faut essayer de le comprendre, il faut dire bon, ben, je vais m'atteler. Il a construit un mur qui vaudrait au bas mot 15 millions de centimes actuellement. On va aller le voir, il y a un dessin dessus, il faut ouvrir les yeux. D'ailleurs, toutes les trouvailles se font souvent à partir d'un mur, parce qu'un mur, c'est une base. Il y a 300 hectares à Roche. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais fouiller 300 hectares, moi, je suis pas preneur. Hein. De toute façon, ça doit être très vite fait. Je reconnaîtrai mon échec dans l'heure qui suivra, s'il y a échec. Tu te souviens de ces voyages que tu faisais avec Paul Boëns à Roche? Je m'en souviens, parce que c'était lui, là. Moi, j'étais le chauffeur seulement. Hein. Et lui, il n'y avait pas d'autoradio à l'époque, donc c'est lui qui me servait d'autoradio, il parlait sans arrêt. Tu l'as enregistré en plus, on entend Je l'ai enregistré une fois, mais on aurait dû faire 200 cassettes, quoi. Alors c'est bien, là, on voit l'Ardenne, là-bas. La forêt qui commence. Et ici, c'est la Champagne, de ce côté-là. On va à Roche, là où était la ferme de Madame Rimbaud et de la famille Cuif, en général. Et c'est l'endroit, le village, le hameau, même, où a vécu Rimbaud dans sa petite jeunesse. Donc on voit bien, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a strictement rien, c'est vide. Il n'y a que des champs de betteraves ou des champs de maïs. Et on faisait des trous dans le vide. C'est ça, peut-être, la fascination. C'est-à-dire d'avoir du vide et d'éprouver le besoin de faire des trous dedans. Mais c'est des trous aussi qui sont pleins de vide, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on creuse dans le vide, et on remplit le vide de vide. C'est fou. Voilà, mon roche. Le mur aux fenêtres fines, c'est là. Donc là, on est vraiment au cœur de... On est sur la ferme de Rimbaud. Voilà, le mur. Il ne reste que ça de la ferme. Le mur aux fenêtres feintes. Il n'existe aucun document concernant la construction de ce mur par l'entrepreneur bourgeois de Vonck. Aussi ignore-t-on la date exacte des travaux. Ce mur mesure exactement 8 mètres. 8, ou H, 8T, H. Symbole de résurrection. Dans l'épaisseur de ce mur sont intégrées deux fausses fenêtres. Deux fenêtres murées, des fenêtres murées à l'origine, lors de la construction même du mur. La dualité des fenêtres closes signale la dualité des dépôts clos par Rimbaud en 1878 et en 1891. Pour Boëns, l'œuvre de Rimbaud est construite comme l'est le mur aux fenêtres feintes, en trompe-l'œil. Ça c'est marrant parce que c'est un mur qui a été fait... qui était, il y avait toute cette, la vigne vierge et tout ça, c'était couvert, ça. Et quand Boëns est arrivé ici, magiquement, ça s'est décroché. Et c'est là qu'il a compris qu'il avait été désigné par Rimbaud pour chercher le trésor. Parce que la vigne était accrochée avec, sur des fils de fer, là. Les fils ont rouillé, la vigne est tombée, et, miraculeusement, devant Boëns. Dans sa tête, Rimbaud faisait des farces. Et donc ça, faire un mur avec des fenêtres, mais qui ne sont pas des fenêtres, pour lui, c'était une plaisanterie typiquement rimbaldienne. Mais tout part de là, quand même. Alors, je ne me souviens plus où il explique ça, mais parce qu'il dit faire un mur aussi énorme simplement pour protéger un potager, c'est pas normal. Et donc, du coup, les inscriptions? Avec les inscriptions, là-bas, on voit bien, c'est le R, là. Hein, on voit R, 18... Donc lui, R, c'est AR. Hein. C'est-à-dire, comme il manque un bout du mur... Moi, j'ai toujours soupçonné que c'était lui qui l'avait cassé, mais... Parce que c'était peut-être un autre, une autre lettre. Mais lui, il veut absolument que là, à la place du trou où c'est cassé, c'était un A. Donc, Ra, R-A, dieu du soleil, Arthur Rimbaud, qu'on retrouve sur le blason de Charleville, sur le blason de Roche aussi... Ra, donc AR, tout est AR, tout est RA. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une bizarrerie, parce que le fait qu'il y ait une inscription comme ça, avec une espèce de décor en dessous, c'est une grosse pierre qui a été remise là, qui est d'origine, c'est bizarre, quoi. Alors, moi, naturellement, j'ai fouillé toutes les possibilités qui me venaient à l'esprit, mais le système peut aller presque à l'infini. Il n'y a qu'à prendre, par exemple... Le mur par rapport à l'endroit que tu connais, le long de la haie, hein, qui est orienté nord-sud. Hein. C'est un dérèglement tous les sens, donc on pourrait penser que le mur étant placé ouest-est, par un dérèglement tous les sens, qui veut dire direction, on prenne quelque chose qui soit exactement contraire. Bon, voilà toutes les possibilités qu'on a. Le mur fait 8. On a fouillé à 8. Pour arriver au soleil, il y a 13 feuilles. Si on prend le double des 13, ça fait 26. Si on prend seulement la moitié du dessin, 13 feuilles, 4 éléments, c'est-à-dire 2 pétales et 2 volutes, hein, qui sont la chevelure de Shiva, ça je peux le montrer, ça fait 17. Mais si on prend le double, la totalité du dessin, ça fait 34. Et à 34, j'ai pas fouillé. On peut parler maintenant, ça y est? Bon. Il est certain qu'au cours de mes fouilles, lorsque j'ai commencé mes fouilles, il est à remarquer que dans le chemin, enfin dans la Fierbande, il y a un endroit où il y a un pommier qui est centenaire et qui commence à tirer à sa fin, qui est en forme de croix, et de chaque côté, il y a deux surunis gras qui font que, dans le fond, ça fait une forme de calvaire. À cet endroit-là, Rimbaud a dit à un moment donné, j'ai derrière moi cet horrible arbrisseau et Christ, voleur d'énergie. Il est certain qu'il a peut-être l'air de dire, n'allez pas là, parce que vous perdez votre énergie. Mais moi, j'y suis allé quand même, et lorsque j'ai percé à cet endroit-là, je faisais une tranchée. Ça gadouille ici. Ayant fouillé au pied de cet arbre, ont été découverts deux petits couteaux aux manches d'os, bistournés en forme de fémur. Autre travail d'Arthur. Mais moi, j'ai deux fémurs bistournés et gravés. J'ai mon fémur. C'est cela depuis 40 ans que je bistourne ce fémur travaillé depuis 40 années. Ah ouais, alors c'est ça, c'est le genre de choses qui m'épatait, quoi, tout, quand il faisait air. J'ai trouvé un autre endroit, et ça c'est vraiment absolument curieux, deux dents de cheval, à mon avis, liées avec un petit morceau de poterie verte qui était le bout d'un huilier. Mais ça j'aime bien, ce truc-là. J'interprète cette trouvaille de la façon suivante. Le bec verseur, simple tuyau, est un trou de couleur verte. Donc un trou vert, ou un trou vert, poète du nord de la Loire, qui parlait la langue d'œil. A remarqué que ces flacons portaient souvent la mention œil. Les deux dents veulent signifier dedans. On obtient trou vert dedans, soit dans le puits des magies, l'œuvre d'un poète du nord de la Loire. Il faut savoir qu'il s'agit de la Loire ardennaise, rivière qui coule au sud de Roche. C'est donc bien au nord de la Loire qu'il faut chercher le trésor. Quand vous vous trompez, il se fiche carrément de vous. Hein? Je pense qu'il est facétieux. J'en apporte la preuve. Quand il vous dit un cœur sous une soute âne, il vous insulte par le fait. Et je le prouve encore plus, c'est que quand il donne toute la série Moloch, Bohémien, à un moment donné, il vous dit nier. Parce que vous ne trouvez pas, parce que tous ces mots-là possèdent la lettre H. Et à un moment donné, il vous dit nier, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre ce qu'il veut vous dire. Et moi, lorsque j'ai fouillé, donc on a trouvé une masse d'objets, mais qui toujours parlent. Et après, il a vécu dans une caravane ici. Il avait racheté une vieille caravane, vraiment pas en très bon état. Et je crois qu'il était dans la cour de la ferme, là, ou dans le coin, ici. Il est venu là les premières années, quoi. Parce qu'il creusait, quand il venait ici, il creusait, mais il creusait jusqu'à des 5, 6, 10 mètres de profondeur, quoi, à la main. Comme il n'y avait rien au fond du trou, bon, bah, il repartait, puis il recalculait, et puis il revenait 6 mois plus tard pour creuser un peu plus loin et un peu plus profond. Bon, ce matin, j'ai fouillé à 17. Bon, bah, j'ai tout de même trouvé deux briques cassées, et c'est là où j'avais beaucoup d'espoir. Peut-être n'ai-je pas été assez profond ce matin, hein. Il serait bon de revoir le 17 de ce matin. Je l'ai marqué avec une auge de maçon. Il y avait deux briques cassées avec un trou unique dans la brique cassée. Et en dessous, il y avait une bêche. Donc, ça pourrait dire trou, bêche. C'est indicible, ça. Indisable, plutôt. Alors, retour à Roche avec François qui arrive. Si ça vous gêne pas de marcher, c'est vrai que c'est pas mal, parce que là, on va voir les deux faces du paysage de Roche, cette champagne pouilleuse, hein, où la monotonie céréalière, comme dit Franz, et puis la prairie, quoi, ce qu'on appelle la vallée de l'Aisne ou le vallage de l'Aisne. François Sequevin, autre conscrit du bon vouloir, recruté par Paul Boens pour creuser dans les champs de Roche. Donc en fin de compte, quand il écrit La saison d'enfer, il avait les deux côtés du paysage d'ici, une facette plantureuse et puis une facette pouilleuse. C'est quand même un paysage qui donne envie de partir. Oui, exactement. Ouais. De déguerpir. Donc vous voyez, là c'est pas mal. On a, vous voyez, un arbre dans le paysage, ça fait tout de suite événement. Il y a tellement peu de choses qu'il suffit d'un arbre. Et voilà, les choses sont... Que de malice dans l'attention dans la campagne, Satan Ferdinand court avec les graines sauvages. Jésus marche sur les ronces purpurines sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et des tresses brunes au flanc d'une vague d'émeraude. C'est très dur de vivre à Roche. L'hiver, c'est interminable. Et on s'y ennuie, il n'y a personne. Et puis alors, les gens sont à couteau tiré. Si vous parlez à Fricoteau, vous êtes mal avec l'autre. Hein, il se forme des clans. Alors si vous allez parler à Lefebvre, l'autre, le maire, il vous embête. Vous ne savez même plus pour qui voter. Hein. C'est pas terrible. Hein. On est tout de suite sur la roche. Le pauvre Bohun s'en a quand même sérieusement bavé. Faut plutôt avoir une barre à mine qu'une bêche. Je pense que franchement, Bohun a eu sa saison d'enfer aussi ici. Et vous avez creusé, vous avec... Ah oui, bah, écoutez, c'est très intéressant de creuser. Surtout avec des personnes comme Bohun. Hein. C'était vraiment là, une espèce de fête, quoi. Ouais. C'était les conseils du bon vouloir. Oui. C'est ça, oui. Alors, donc, tu as gardé le document où il nous avait fait signer. J'ai gardé le certificat de présence. Ah oui. Je sous-signais Paul Bohun déclare que le dimanche 10 novembre 1996, monsieur, bon voilà, on ajoutait tous les bons conscrits du bon vouloir, était bien présent à Roche lors de la découverte du dépôt sacré et que pour cela il ait été élu nouveau compagnon de la libération du poète Arthur Rimbaud. Et en tant que conscrit du bon vouloir, sans pourtant émettre de prétentions sur la découverte qui appartient à Paul Bohun, qui y travaille depuis 17 années, mais en qualité d'aide bénévole, de témoin et d'observateur. Et on signait ça, nous. Je crois que j'ai gardé ça, il faut que je le retrouve. Les plans de fouilles de Bohun. Ah, on voit, c'est un système de cases. On est vraiment dans le parcours énigmatique. Il a fait une succession de cases avec des points. Et en fin de compte, on devait creuser dans chaque point. Et puis, où il n'y avait rien trouvé. C'est quand même grandiose. Oui, mais donc, en fait, ça correspond à... C'est fou. C'est tous les trous qu'il a fait. Il arrivait quand même à se mettre d'accord avec le propriétaire du terrain là, pour creuser quand même, il fallait quand même une autorisation. Oui, il payait les dégâts. C'est-à-dire que si on fouillait sur 10 mètres carrés, eh ben, il y avait 10 mètres carrés de betteraves à payer, quoi, hein, qui ne pouvaient pas être récoltés. C'est ça le trésor. C'était pas des radis chinois, c'était des radis chinois. Les radis chinois, c'est encore mieux quand même. Ouais. Mais sur le moment, j'étais désarçonné. Et puis il est très difficile quand vous avez des personnes qui ont plus ou moins convaincu des jours au départ, de continuer à leur demander à faire des trous. Hein. C'est difficile, il ne faut pas tellement exagérer. Mais je ne saurai jamais le fameux, parce que dans le fond, moi, je m'arrête à un moment donné. Peut-être fallait-il dans un cas aller 50 cm plus bas. Alors, comme je l'ai dit au début, peut-être au cours de mes recherches, je suis passé dessus le truc. Mais là ou ailleurs. Hein. Mais il y a des cas où j'ai arrêté parce que j'étais trop fatigué et j'ai arrêté les frais. Hein. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie de sa comédie ou pas. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup parlé pendant quasiment 3 heures hein, le matin. Il a parlé. Puis alors qu'on était dans la glaise, là il s'est vite usé, fatigué. Il commençait déjà à être vieux. Ouais, hein. Voilà. Moi, je pense qu'il y croyait encore... dès qu'il rentrait à Nice, hop, il y avait d'autres hypothèses qui lui germaient dans la cervelle, et donc ça lui donnait envie de revenir. Évidemment, quand au bout de 2 jours de recherche, il ne retrouvait rien, ça le désespérait un peu, quoi. Mais chez lui, c'était quand même une souffrance. Hein. Alors, il y avait deux souffrances chez lui. Hein. Il y avait la souffrance de ne pas trouver le trésor, et la souffrance qui était peut-être encore plus terrible, c'était d'être démasqué comme imposteur, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un démonte tout son système, donc casse son rêve, hein, pour parler comme dans les téléfilms. À la fin, on suspectait qu'il avait mis des objets tout au long des fouilles qu'il nous indiquait, et qu'en fin de compte, c'était un peu une chasse au trésor de gosse, quoi. Alors moi, j'y ai pas cru. C'est quand il a trouvé au pied du mur aux fenêtres feintes là qu'on va, il a retrouvé un crucifix en bois. C'est toi qui l'as, noir, qui était sous un couvercle de cocotte minute. Alors moi, quand ça a commencé ce truc là, c'était Rimbaud qui avait creusé, qui fait un trou, mis le crucifix là à destination de celui qu'il trouverait, donc lui. C'est magnifique. Ça. Simplement pour le protéger, quoi. Et pour pouvoir le retrouver aussi. Mais alors c'est pareil, ça, on est en plein art brut, franchement. Ah, oui. C'est de l'art brut. Lui, il y croyait, donc il fallait que vous jouiez quand même un peu le jeu, non? Comment... Ben, ça, il y avait un côté pataphysique, quoi. Ouais. C'était on était imperturbable. Non, je ne pense pas qu'il y ait une malédiction, on n'a rien du tout, non. Peut-être, c'est pour ça, l'a-t-il fait, n'a-t-il pas fait? Mais c'est le but de tous les chercheurs. Il n'y a rien de farfelu dans ce que je dis. J'ai pensé qu'il l'avait peut-être fait, parce que peut-être s'il avait été à sa place, j'aurais fait. Je dis, bon, bah, s'il l'a fait, bah, je cherche. On est un peu pris au jeu, puis on est pris en ce sens qu'on a déjà beaucoup mis. On est un peu comme un joueur de poker qui veut récupérer sa mise un peu. Même financière, je l'avoue, hein, j'ai tout de même dépensé, l'air de rien, 3 millions de centimes dans l'opération. Hein. Maintenant, j'y ai trouvé des joies, parce que ça m'a obligé d'étudier beaucoup d'encyclopédies, parce que c'est un travail de bibliothèque. J'ai voyagé, j'ai parlé de ce qui me plaisait, parce que c'est un homme qui me plaît. Il y en a que c'est Napoléon. Moi, je trouve que Napoléon, c'est un assassin pour moi. Hein. Mais moi, Rimbaud, je trouve que c'est un garçon qui était malheureux, qui écrivait bien. Alors, naturellement, il veut de l'amour et il veut qu'on l'aime. C'est le fait de toutes les personnes abandonnées. Et s'il a laissé quelque chose, à ce moment-là, c'est celui qui l'aimera qui comprendra le mieux. Et s'il comprend le mieux, peut-être qu'il trouvera. Moi, je ne l'ai peut-être pas assez aimé, non, je pense que ce n'est pas parce que je ne l'ai pas assez aimé, mais c'est parce que c'est quand même très difficile. Parce qu'avec la terre, il faut se battre, avec les racines, il faut se battre, et on souffre. Annexe. Quel avenir pour Roche ? Lettre de Paul Boëns à Madame le conseiller général des Ardennes, Madame Gentil, le 14 février 1988. Grâce aux revenus de l'édition des manuscrits retrouvés qui vont décupler son œuvre, grâce au film qui sera tiré des mémoires et journaux intimes du poète, mais aussi grâce au soutien de mécènes dont l'adhésion est assurée par la découverte du trésor, grâce encore à des souscriptions publiques ainsi que par l'émission d'un timbre-poste à surcharge de taxes, la maison de Rimbaud, la même maison rustique de mes parents, sera reconstruite ainsi que les bâtiments annexes. Les maisons de Roche seront relevées. Roche et sa région deviendront le centre d'un pèlerinage. J'ai parlé de la construction d'un mausolée à Roche, car je pense que dans les textes que nous découvrirons, Rimbaud va demander la translation de ses cendres. Je serai ipso facto son exécuteur testamentaire. Vous devinez pourquoi. Pour moi, Rimbaud, il nous a remonté un beau bateau, quoi. Et puis c'est tout, il est parti de rien, de 4 mètres carrés de flotte, et puis il nous amène dans les océans, c'est d'ailleurs superbe. D'ailleurs, quand je trouvais des petits objets de Rimbaud, j'avais autant de joie à les trouver et je riais, parce que dans le fond, j'ai joué avec un mort. Et comme moi, je ne suis pas très heureux, eh bien, ma foi, j'essaye de compenser le bonheur que je n'ai pas. Je te l'ai dit, moi, je n'ai pas une jeunesse très heureuse. On se meuble un peu l'esprit, on se fabrique une petite religion à soi, une petite chapelle à soi dans laquelle on met les êtres chers dedans. Et on y met sa mère qui est morte, on y met son père qui est mort, on y met des êtres chers qui sont morts, dont lui. Normalement, le musée aurait dû marcher. J'aurais bien voulu, par exemple, tu vois, que tout le sous-sol soit aménagé exactement comme l'hypogée d'un pharaon. Puis que Rimbaud y repose dedans, et puis que moi, j'aurais pu éventuellement reposer à côté de lui. Tu vois, ça va loin. Hein. Dans le fond, de l'homme que j'ai le plus aimé de ma vie, mais d'une manière pure, parce que c'est un esprit. Comme on peut demander à reposer face à la mer, comme Chateaubriand. Hein. Eh bien, moi, j'aurais dit, je t'ai trouvé, hein, j'étais ton copain, j'en ai bavé, mais je t'ai trouvé. Dans une autre lettre, il n'y a pas de désert culturel, il n'y a que des déserteurs. C'est pourquoi j'attends le grand jour où seront réunis les quatre éléments nécessaires à la découverte. Témoins, archéologues, autorisation et télévision. Les résurgences de Rimbaud et dans le panorama ardennais-champenois seront comparables à la jonction de deux cathédrales dans cette région. Mais Roche doit conserver quand même son aspect de trou perdu. Donc, pas de marchands du temple et de souvenirs. Pas de baraque à frites. Qu'est-ce que tu veux encore savoir ? Il a triché Rimbaud alors, en fin de compte. Triché ? Il s'est moqué de tout le monde, peut-être. S'il a caché, c'est bien. C'est s'il n'a pas caché qui est pas bien. C'est vraiment même pas gentil du tout, en ce sens que c'est celui ou ceux qui l'ont aimé le plus qui, dans le fond, il va blouser. Ouais. Alors, à ce moment-là, ça serait machiavélique. C'est l'article de Brodeau. Dans Le Monde. Alors, c'est ça qui a déclenché les hostilités. C'est ça la phrase qui l'a tué. C'est l'œil bleu, la paupière chinoise sous une casquette improbable de marin. Et ça, il n'a pas supporté. Improbable. parce qu'il faisait partie plus ou moins du yacht club. Il est chargé par le yacht club de Nice de faire les barbecues. Donc sa casquette de marin, elle n'est pas improbable. C'est vraiment une casquette de yachtman. Hein. Il s'est fâché et puis ça a été terrible. Hein. Il a écrit à Brodeau, il a écrit, je crois, au directeur du Monde, il a écrit à toutes sortes de gens pour se plaindre. Le fait d'avoir été mis en lumière comme ça de façon un peu officielle, il a eu peur d'être démasqué. Il a bien senti que son truc, ça collait pas, que le trésor, c'était un peu du bidon, quoi. Il commençait à douter. On risquait de lui casser son rêve. Il s'est senti menacé. La casquette et tout ça, c'est des prétextes. Hein. Mais il a pensé que des gens allaient lire ça et puis donc allaient contester un certain nombre de ses visions, quoi. Il est devenu complètement fou sur le coup. T'as plus de nouvelles après ? Ah ben, il m'a envoyé des lettres d'injures, en me traitant de faux cul. Il m'a accusé de lui avoir piqué un caleçon, qui ne peut aller. C'est resté célèbre, ça, ici. Caleçon qui ne peut aller. C'est quoi, ça, qui ne peut aller ? Ben oui, parce qu'on n'avait pas la même taille. Hein. C'était un truc. Non, je crois qu'il déménageait sérieusement. Les gens construisent des... Mais je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. Quand on s'invente une histoire, on n'est pas dupe nous-mêmes de l'histoire qu'on raconte. Mais on aime bien que tout le monde la croie, quoi. Qu'elle soit au moins crédible. Pas forcément qu'elle soit vraie, mais au moins qu'on nous fasse la grâce de nous croire. Et quand on ne nous fait pas la grâce de nous croire, ben on se fâche. Et lui, il s'est fâché, mais il s'est fâché gravement. Hein. Bon, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que tu veux me demander encore ? Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici, il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants nègres, des danses de houri ? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau ? Veut-on ? Je ferai de l'or, des remèdes. Fiez-vous donc à moi, à la fois soulage, guide, guéri. Tous venez, même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux. Pauvres hommes, travailleurs, je ne demande pas de prière. Avec votre confiance seulement, je serai heureux. Et pensons à moi, ceci me fait peu regretter le monde. J'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne fut que folie douce. Paul Boens à la chasse au trésor de Rimbaud. Avec Franz Bartelt, qui lisait l'or d'Arthur et des poèmes d'Arthur Rimbaud. Françoise Quevin, Bernard Collin et la voix de Paul Boens. Merci à Jean Druard, au café Le Dernier Sou de Charleville-Mézières et chez Mickey, à Nouzonville. Prise de son, Yann Frécy. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Mixage, Bernard Laniel. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.